Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Ça date de 72. C'est ça. 2004. les années 72-2004. Mm-hmm. Dans ces coins-là. C'est comme quand ils disent, tu sais, c'était dans les années 72, mettons. Ouais. On dit tellement souvent ça, d'ailleurs. Ben hein? Oui. Hein? Oui. Ça m'arrive à tous les jours, au moins deux fois par jour. Ah, vos gueules. On accueille Simon Fédibé avec la dernière et la plus spéciale de ses chroniques sur les mythes du rock'n'roll. Voici Paul is Dead. C'est grandiose, c'est magistral, c'est Simon Fédibé. C'est ce thème-là me fait lever le poil sur les bras. Ouais. Chair de poule. Ouais. Non, je trouve ça... Donc, je sais pas, t'as des beaux poils! Ben oui, j'ai du beau poil. Ouais, donc bienvenue pour ta dernière chronique. Ben, merci pour de m'accueillir. Bonjour messieurs, ça va bonjour, bien? Oui. Les larmes commencent à monter tranquillement, pas vite pour la fin d'assemblage. Ben, il n'y a pas vraiment de fin à ça, mais ouais. Ben oui et non, mais bon, c'est la fin de votre collaboration. Ben c'est ça, c'est plus pleurer pour Kiwan, c'est la plus, fin. Plus des larmes de plaisir, hein, c'est ça que t'allais dire, des larmes de joie. Je t'ai déjà dit aujourd'hui ta gueule. Je pense que oui. Excuse-moi, je voulais pas me répéter. Toi, la belle complicité qu'on a. Oui, c'est vraiment... Magique. Bon. Génial. Écoutez, messieurs, tout au long de cette saison, j'ai eu la chance de partager avec vous, et on a eu la chance, en fait, de discuter des mythes les plus intéressants les uns que les autres, entre autres Paul qui est mort. Ben je oui. pense que j'ai prouvé que Paul McCartney est décédé. Juste par le nom de ta chronique, si tu dis dans le nom de ta chronique, c'est pas mal ça qui fait. Oui, on l'a dit à peu près une trentaine, 32 fois à peu près en tout, là, 30, 31 en fait. C'est ça. Oui, en plus, Mick... On l'a dit dans les 31 fois. Dans les 31 fois. Ah, ben, non, mais déplacé. Tout à fait déplacé. Il fait référence à la blague de tantôt dans les années 70. Ah, OK, ouais. Celle qu'on n'entendra pas dans le podcast. C'est pour ça qu'il n'est pas très drôle. Hein, on s'en débarrasse pour l'été. C'était du Mathieu Plante, hein, c'est pour ça que c'est pas très drôle. Ah, l'Académie... Mathieu Plante. L'Académie Mathieu Plante. Si c'est drôle, ça ne vient pas de l'Académie Mathieu Plante. On en passe-tu du temps à parler contre Mathieu Plante ici? Hein? On t'aime, Mathieu. Merci. Donc, bref. Je dirais bien que c'est réciproque. Ben, j'espère. Donc, on a parlé de plusieurs choses. Paul qui est décédé, Mick Jagger et David Bowie qui sont en amour, Charles Manson, le requin de Led Zeppelin, les 10 gallons de sperme dans l'estomac d'Elton John. Et j'en parle. Ah oui, je pense que vous l'avez bien aimé, entre autres, celle-là. Donc, autant de mythes les plus saugrenus les uns que les autres qui nous ont fait rire, qui nous ont charmés, qui nous ont surtout mystifiés. Par contre, un des mythes du rock'n'roll n'a pas été traité jusqu'à maintenant parce qu'il méritait d'être observé dans le détail avec le plus de précision possible. Afin de présenter d'une façon la plus fidèle aussi que possible. Hein, question de ne pas avoir l'air d'un deux de pique. Ben, c'est pas des niaiseries qu'on fait ici. Là. Ben non. Mais non. C'est très important pour l'avenir de l'humanité. Bref, nous avons débuté cette série avec la mort de Paul McCartney et nous la terminons avec un mythe qui fait référence à la vie. Mais on parle pas de n'importe quelle vie. Celle d'Elvis. Cut. OK. Celle d'Elvis Presley qui ne nous a jamais quittés. L'Elvis, exactement. Elvis Presley n'est pas mort, messieurs. Et non. Si on se fait aux rumeurs qui courent, il paraîtrait qu'Elvis n'est pas mort le 16 août 1977. Effectivement, plusieurs preuves surprenantes nous mènent à croire que le King serait toujours bel et bien en vie et en santé. En santé. En santé. Ça, ça serait déjà un plus par rapport à l'époque qui était où dans il était le temps, clairement ouais. vivant. Là. Et oui. Et donc, on va voir aujourd'hui différentes preuves qui avancent qu'Elvis est toujours en vie et que donc on s'intéresse aussi à connaître pourquoi il aurait lui-même forgé sa propre mort. Donc, il l'aurait fait à partir de rien avec des morceaux de métal. Il aurait pu prendre une émission à V, comme ça, question de passer inaperçu. Oui, personne ne l'aurait vu. C'est vrai. C'est la meilleure place pour se cacher. Donc, on débute tout de suite avec des preuves et des preuves et des preuves. On débute avec la tombe d'Elvis. On va commencer avec sa pierre tombale, en fait. Son vrai nom à Elvis, c'est Elvis Aaron Presley. Mais Aaron, aux États-Unis, ben, en fait, le nom Aaron s'écrit de deux façons. Simplement avec un A ou avec deux A. Okay. À Aaron ou Aaron. Puis dans les téléromans, quand ils sont doublés en français, c'est Aaron. Aaron, oui, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsqu'Elvis est né, on commence par le commencement. Sur sa pierre tombale, en fait, on lit le nom de Elvis Aaron Presley. Donc, 2A. Sauf que, donc, la famille, est-ce qu'elle aurait vraiment voulu laisser une erreur de la sorte puisque le vrai nom d'Elvis est Aaron avec un seul A? Et donc, quand on considère que son père a remué ciel et terre lorsque le certificat de naissance d'Elvis a été émis et qu'il y avait une erreur, il y avait deux A alors qu'il y en a juste un seul, et il est allé jusqu'au bureau, donc il y a des ceux qui font ça, là, des certificats de naissance, je sais pas comment ça s'appelle, mais bref. Donc, il s'est présenté là, et il a fait changer de nom, et ça a tout pris, là, vraiment, pour enlever le petit A, alors qu'Elvis était un petit enfant qui aurait très bien pu s'appeler Elvis Aaron, mais bref, il ne voulait pas. De toute façon, dans son nom d'artiste, il utilisait même pas son nom. La plupart des gens n'utilisent pas leur deuxième nom, à moins qu'ils soient obligés. Et il signait Elvis Aaron Presley lorsque c'était des contrats, des papiers professionnels, mais sinon, il signait Elvis Presley comme autographe. Sur sa pierre tombale, en fait, il est écrit Elvis Aaron Presley. Et on ne l'a pas changé. Il me semble qu'il y a quelque chose qui ne fit pas. Là. Parce que même son certificat de naissance avait été changé. Ouais. Donc, est-ce que ça serait en fait une façon pour Elvis d'échapper à la superstition? De voir son nom sur une pierre tombale alors qu'il n'est pas mort? Ça se pourrait. Par la suite, on peut dire également aussi donc que en fait, Elvis avait demandé dans ses derniers souhaits, dans son testament, en fait, d'être enterré auprès de sa mère. Chose qui est arrivée. Lorsqu'il est décédé en 1977, on l'a enterré aux côtés de sa mère. Sauf que lorsque son père est mort quelques années plus tard, il a décidé d'aller se glisser entre les deux avec sa pierre tombale et sa grand-mère est allée de l'autre côté. Franchement, est-ce que vous pensez que Elvis, qui était vraiment pas un gambler dans la vie, aurait laissé quelque chose comme ça lui arriver, c'est-à-dire se faire enterrer, en fait, s'arranger pour que son père soit entre lui et sa mère pour éviter la superstition? Je ne crois pas. Donc, peut-être qu'il gardait cette place-là aux côtés de sa mère pour son vrai repos éternel qui va arriver éventuellement, mais qui n'est pas encore arrivé jusqu'aujourd'hui. Par la suite, on a la dépouille d'Elvis Presley. Elvis a été exposé à tombeau ouvert, ce qui permettait à ses proches ainsi que sa famille de le voir une dernière fois. Par contre, plusieurs de ses amis, de ses cousins ont remarqué que le corps d'Elvis était particulièrement embaumé d'une façon vraiment bizarre. Premièrement, ses cheveux semblaient collés sur son crâne, comme si c'était une perruque. Une perruque qui était donc installée sur sa tête. Et son alliance aussi semblait être collée à ses doigts et semblait même pas complète. Bon, ça pourrait s'expliquer parce qu'Elvis était très, très gros. D'ailleurs, avant de mourir, il avait fait une apparition à la télé. Il avait pris beaucoup de poids. Il dit « Attendez à mon spécial de cet automne. Vous allez voir, je vais être encore plus gros. » Et il est décédé entre les deux. Il était immense, là, vraiment. C'était assez dégueulasse. Et certaines personnes disent en passant que ça serait une façon pour lui, justement, d'avoir passé inaperçu. Lorsqu'il est mort, il était rendu tellement gros qu'il était méconnaissable. Et donc, il aurait passé inaperçu même à ses propres funérailles, on dit. Aha. Et bref, donc, son alliance était collée et il y avait également des signes de sueur. Mais c'est pas normal. Lorsqu'on est mort, on ne sécrète plus grand-chose. Nos dernières sécrétions arrivent quelques secondes, quelques minutes après avoir mouru. Donc, et c'est tout. Donc, ce serait quoi si il suait, mais qu'il y avait aussi une perruque et une alliance collée? C'était que c'était une vraie personne, pas de cheveux? Non, pas vraiment. En fait, la théorie qui a été la plus avancée et qui est le plus reconnue parmi les spécialistes d'Elvis, c'est qu'il aurait été remplacé en fait par une statue de cire. Et donc, il fait chaud à Memphis, au Tennessee, surtout que c'était la fin de l'été, et ça aurait été tout simplement la cire qui a commencé à fondre tranquillement. Ça ressemblerait tant que ça à de la sueur. Et c'est ce que les témoins ont dit. Et il y a eu même une des présidentes du fan club d'Elvis, en fait le premier fan club, celui donc qui a été ouvert dans les années 50, qui était présente, elle avait été invitée au funérailles par le père d'Elvis, Et c'est ce qu'elle a dit, c'est que déjà, ça faisait une semaine qu'il était exposé. Et pourtant, donc, il avait quand même une peau qui n'était pas semblable à celle d'Elvis, en passant, mais qui était quand même relativement en bon état pour quelqu'un exposé depuis un mois, depuis une semaine. Et il y avait des perles de sueur. Donc, c'était vraiment quelque chose de spécial. Et en plus, la famille n'avait pas empêché, parce qu'aux abords de Graceland, qui était la maison d'Elvis, où il était donc présenté au public... dans son cercueil. Il y avait des vendeurs de pop-corn, il y avait des vendeurs de souvenirs, il y avait des vendeurs de plein de choses. Et la famille ne s'est même pas arrangée pour faire vider la rue pour question de respect. Donc peut-être également qu'on pouvait s'attendre à une genre de grosse mascarade. Ouais. Mais ce que je me demande, par exemple, c'est pourquoi ils ont choisi d'avoir un cercueil à... ouvert, si c'était pour faker aussi mal que ça, aussi bien juste... Pour éviter les conspirations, ouais, voyons. Juste à dire, genre, qu'Elvis, c'était dans son testament qu'il voulait pas que ce soit ouvert son cercueil, non? Ça aurait pu être possible, mais je crois juste simplement que les gens autour d'Elvis et lui-même se sont dit, ouais, si on fait ça à tombeau fermé, là, les gens vont vraiment croire que je suis pas mort pour vrai. Donc, ils ont décidé de faire... Alors que mettre des faux cheveux sur une... Ben, en fait, ça aurait pu bien passer, ça aurait été mieux fait, mais il faut dire aussi que les embaumeurs utilisent de la colle bien souvent pour retenir les mains ensemble d'un cadavre pour aussi... Donc, pas des cheveux à moi qui ait eu un accident qui a fait perdre ses cheveux. Oui, ben, comme Paul quand il est décédé. Ouais. Paul McCartney, quand il est décédé, il a eu la tête coupée et tous ses cheveux ont brûlé à cause donc de l'accident de voiture qu'il y a eu. Ils ont fait un robot, ils ont fait un cercueil ouvert quand même? Non, Paul, il n'y a pas eu de cercueil pantoute. Il n'y a même pas de pierre tombale encore. Ah. Yeah, c'est dommage. Maintenant, on est au rapport d'autopsie. Donc, quand il y a une mort, il y a un rapport d'autopsie. Et habituellement, le rapport d'autopsie de quelqu'un normal qui décède d'une façon X, on rappelle qu'Elvis Presley est mort d'une crise cardiaque, en tout cas, c'est ce qu'on dit. Habituellement, donc, ce qui est relié à ça, c'est environ 40 à 50 pages d'autopsie, de rapport, en fait, qui est fait à suite à l'autopsie. On y retrouve le poids des organes, la couleur de la peau, le degré de la décrépitude du corps, le niveau du blocage des artères, et etc., etc., etc. C'est un beau métier à faire, ça. Ah oui, c'est le fun à lire, ça, un petit vendredi soir quand t'as rien à faire. Mm-hmm. Et par contre, le rapport du coroner concernant Elvis fait seulement 2 pages. Il explique rien en rapport au corps d'Elvis. Il dit tout simplement donc meurt d'une crise cardiaque et quelques petits détails, mais rien vraiment d'habituel dans un rapport de coroner. Et c'est un expert policier qui a lu beaucoup de rapports de coroner qui dit ça. Donc on va venir à lui un peu plus tard. On va parler de lui en particulier. Et également... donc, on dit que, le coroner a fermé le dossier Presley trop rapidement, pratiquement tout de suite après sa mort. Pas assez de temps, en fait, pour avoir des tests sanguins pour dire s'il aurait été mort d'une overdose de drogue, s'il aurait pu donc avoir des problèmes de santé au préalable. Rien n'a été fait. Tout simplement, un petit rapport de 2 pages, voilà, c'est fini, bing-bang, on l'enterre. C'est quelque chose. C'est louche. Qu'est-ce qui vient après une autopsie? Qu'est-ce qui vient après la mort de quelqu'un? Eh bien, c'est le certificat de décès. Donc, le certificat de décès d'Elvis, c'est un fait, j'imagine que vous avez déjà vu des photos, Elvis est mort sur sa toilette. Il est en train de... Voilà. Non, tu vois, non. Non, hein? Non, ça va pas ça? Non. Elvis non, est mort sur sa toilette, ce qui est pas vraiment gracieux, vous en conviendrez, surtout pour le roi du rock. Mais par contre, dans un certificat de décès, on fait pas de flafla avec ce genre de détails-là, tu sais, c'est pas grave s'il est mort sur sa toilette, là, c'est pas spécifique, tu n'es pas obligé d'avoir une mort superbe. Mais pourquoi donc le certificat de décès d'Elvis, statue qui était dans sa cuisine et non pas assis sur son trône? Elvis, le king. Sur son trône, tu as l'humour. C'était pas à chier du tout. blague de toilette. C'est génial. Ouais. Et donc, un expert aussi en graphologie, calligraphie, a analysé également le certificat de décès d'Elvis avec une lettre qu'il a renvoyée au président Nixon et a conclu hors de tout doute, que c'était la même écriture. Donc, ce serait même Elvis qui aurait rempli son certificat de décès lui-même. Il s'en serait procuré un certificat, l'aurait rempli à la main. Et donc, il l'aurait mis dans les papiers du coroner. Parce qu'on sait qu'il n'était pas capable de taper à l'ordinateur à cause de ses gros doigts. En 77... Black de dactylo plus dactylo, hein. Trop geek pour les années 70. Aussi, donc, il y a les fameuses assurances. En fait, tout simplement pour dire qu'avant sa mort, Elvis avait pris 3 assurances vie. 2 de ces assurances-là ont été encaissées et on dit que ces assurances-là appartenaient à la personne concernée. Donc, c'est lui-même qui a acheté les assurances. C'est pas sa famille, c'est pas ses enfants. C'est lui qui a payé pour ses assurances et ce serait lui qui aurait encaissé le tout. C'est déjà pas trop pire, hein? Et ben, en fait, on pourrait aller écouter une petite pièce de musique d'Elvis. En fait, j'en avais suggéré deux, Kiwan. Je sais pas si t'en as une en particulier que tu aimerais mieux. Mathieu, laquelle? C'est laquelle t'as préférée, toi, ta pièce d'Elvis? Entre. Entre. J'en connais tellement. Hound Dog ou Jailhouse Rock. Hound Dog, elle va comment à peu près, Hound Dog? You ain't nothing but a hound dog. Puis Jailhouse Rock, c'est. Jailhouse Rock. Ouais, genre. Ouais, ok. Hound Dog? Hound Dog, on peut y aller. Après ça, on va revenir en fait avec d'autres particularités qui touchent pas nécessairement la mort comme telle d'Elvis, mais ce qui est arrivé après et les preuves qui seraient encore là. Tiens, everybody, let's rock. Ouais, ok, là, je l'ai dans la tête, celle-là aussi, mais non, c'est. Ok, ouais. C'est dans le bloc Paul is dead. Ouais. Petit habit jaune. Ouais, ça. Donc, c'était Hound Dog de Elvis Presley. Tu m'as appris ce que ça voulait dire, Hound, parce que j'étais pas sûr. C'est, oui, Hound, ça veut dire horde. Horde. Hound de chien, ça veut dire. Hound dog, plutôt, ça veut dire troupe de chien. Okay. Ou un chien de chasse. Ben, on dit en fait un chien de chasse en français. Ça, c'est le contraire en anglais. Oui, ouais. Effectivement, c'est chasse-chien. En bref. C'était Hound Dog d'Elvis Presley dans le cadre de la dernière chronique Paul is Dead, dans le cadre d'Assemblage requis, dans le cadre de Kiwan et Mathieu qui sont ensemble en studio. Dans mon cadre. Dans mon cadre de jeune fille. Dans mon cadre de jeune fille. Il n'y a plus de changement. Pas tout. Bref, nous sommes maintenant rendus à la partie. On a parlé en fait d'Elvis Presley, puisqu'on parle d'Elvis Presley aujourd'hui, sa supposée mort. Hein, et entre gros guillemets. Oui, oui, on a parlé en fait des preuves qui se retrouvaient directement entourées à sa mort, c'est-à-dire sa certificat de décès, autopsie, les assurances qu'il a pris, bref, le tout. Et par la suite, nous allons parler en fait de d'autres preuves qui pourraient prouver qu'il est toujours en vie. Et donc, c'est des preuves relativement assez concrètes. On débute avec les choses qui disparaissent. Tu ajoutes beaucoup de lettres aujourd'hui, je trouve. Oui, oui, ça se mélange un peu, hein, mais c'est bien. Oui. C'est l'effet d'Elvis. C'est toujours mystérieux. Quand on parle d'Elvis, il y a des choses qui apparaissent comme des lettres dans Les mots prennent du poids. Et oui, donc les choses qui disparaissent, lorsqu'Elvis, en fait non pas lui, mais lorsque la liste des possessions du King ont été écrites pour sa succession, de nombreux objets, parfois même de gros objets, manquaient à l'appel. Des gros objets en Grèce. Hey. Ouais. Donc le rapport statifiait qu'Elvis avec une couple de bijoux, là, 2, 3, 4, 5 bijoux, des bagues, des colliers, tout ça, mais en sa possession lorsqu'il est décédé. Mais on connaît quand même son goût pour les bijoux. D'ailleurs, si vous l'avez vu à son époque, là, Las Vegas, vers la fin du jumpsuit, il y avait une bague à chaque doigt, des gros colliers, des tout. Il y avait plein de types de montres différentes en or. C'était comme un pimp. Oui, oui, il ressemblait pas mal à un pimp. Avec des grosses lunettes et tout, en or également. Aussi, il manquait les photos de sa fille, Lisa Marie. C'était impossible à trouver, donc dans la maison. Et il manquait aussi quelques voitures à Elvis. Il y avait plusieurs voitures dans son garage, il en manquait une ou deux. C'est bizarre. Et on n'a jamais retrouvé également son jet privé. Je sais pas, là, mais ça me dit, moi, en tout cas, ça m'adresse une piste. Là. On a perdu son jet privé. Une piste. Une piste. Et parlant de jet privé, qui dit voyage, jet privé, Elvis partait toujours avec 5 livres avec lui en voyage. Comme on jasait avec Alain Lefebvre l'autre fois, Elvis ne devait pas être... C'est était si gros que ça, il prenait 5 livres à chaque voyage. Et la caméra ajoute 10 livres. Non, ça n'a pas rapport. Mais on jasait de ça avec Alain Lefebvre. On se dit, pourtant, Elvis, ça doit pas être un gars qui lit beaucoup. Préjugé. Ouais, non, mais tu sais... C'est pas correct, c'est un manque de respect total, je trouve. Bah, ben, il viendra me chercher, hein, s'il est encore en vie. Il viendra me... Peut-être si on le provoque, justement, peut-être. Ouais, peut-être qu'il va venir, hein. Donc, bref, il partait toujours avec 5 livres en particulier, dont sa Bible, qu'il avait toujours avec lui, et on n'a jamais retrouvé la Bible en question dans la maison. OK, ça pouvait être, dans le fond, toujours les mêmes livres, les 5 mêmes livres. Oui, c'était toujours les 5 mêmes livres. Donc, il avançait d'une page par année. Il a décodé ce qui était écrit. Également, il faut dire, il y avait également un collier que sa mère avait toujours sur elle, qui lorsqu'elle est décédée, c'est lui qui l'a gardé, et on ne l'a pas retrouvé également. Donc, peut-être qu'il l'aurait emmené avec lui. Et maintenant, on parle d'un petit peu après sa mort. En fait, les photographies qui ont été prises d'Elvis. Après sa mort, bien sûr, pas avant. Donc, Mike, Joseph et sa famille sont allés visiter le jardin de Graceland, où Elvis est enterré, qui a été ouvert au public le 31 décembre 1977. Il est resté avec sa famille pendant une heure, pendant laquelle il a pris des centaines, non pas des centaines, mais certaines photos en tant que souvenir. Bien sûr, on se rappelait de quand on est allé à Graceland. Après avoir fait développer les photos, ils ont été longtemps oubliés. Ils ont regardé, après ça, ils les ont serrés, ils les ont plus revus. Et après avoir lu un livre qui se nomme The Presley Report, un livre consacré au fait qu'Elvis est toujours en vie, et c'est un fait, c'est pas une hypothèse ou une rumeur, il a décidé de regarder les photos à nouveau. Une photo l'a intéressé en particulier, et il a décidé de prendre une loupe et de regarder. Il voyait une silhouette qui était dans la maison, donc le manoir d'Elvis, qui pourtant, habituellement, depuis la mort d'Elvis, était inoccupé, parce que ça allait devenir, tranquillement pas vite, un musée. Bref, il a regardé la photo avec une loupe vraiment d'une façon très, très minutieuse. Et il a réussi à déceler la silhouette en question qui était Elvis. Et là, on parle d'à peu près 6 mois après sa mort. Elvis était assis dans son salon, sur sa chaise préférée, en fait. Et il regardait, c'est à l'extérieur de Graceland, c'est juste en arrière de la maison. Et donc, il regardait les fans qui passaient dans l'ombre. Et c'est vraiment donc grâce au flash de l'appareil photo qu'il a réussi à prendre cette photo-là. Il a fait... voir que Elvis serait resté dans sa propre maison alors qu'il y avait des visiteurs. Mais personne n'avait accès à la maison encore. Ah. Il avait juste accès au terrain. Il y avait des gardiens de sécurité partout autour de la maison. Vraiment, c'était très bien ceinturé. Et personne ne pouvait passer les gardiens de sécurité. Et également, il a fait authentifier les négatifs des photos par Kodak. Donc, à cette époque-là, on pouvait envoyer nos négatifs par Kodak et le laboratoire Kodak les vérifiait. Et je fais de la pub en plus en passant. Est-ce qu'il passe de la pub à C'est fou? Non, pas maintenant, encore. Oui. Hein? Maintenant, oui. On veut un chèque. On veut avoir une coupe de films Kodak, même si personne utilise des films. Mais bref, donc, il a fait authentifier le négatif qui disait que, là, j'ai dit que c'était le 31 décembre 1977, et le film datait bien de 1977, puisqu'il y a une date toujours d'inscrit sur les bobines de films pour dire à quelle année, parce qu'il y a une certaine date de péremption là-dessus. Et également que la photo n'avait pas été altérée. Donc, on n'a pas remplacé rien, on n'a pas rajouté rien. Et il faut dire qu'en 77, c'était assez difficile de rajouter des choses sur des photos. Il fallait des artistes très, très bons. Par la suite, il y a une photo qui a été présentée à Monty Nicholson, qui est un policier. Ça a été présenté par un de ses collègues qui présentait Elvis près d'un hélicoptère du gouvernement, entouré d'agents des services secrets, habillé en circonstances, bien sûr, c'est-à-dire en noir avec les lunettes noires, le petit truc dans l'oreille, là, tout le kit était là. Et il n'y avait rien de particulier vraiment que cette photo-là, parce qu'Elvis aimait bien se promener dans le coin des policiers. Il aimait beaucoup les agents secrets. Manger leur beigne, c'est ça. Ils mangeaient leur beigne à leur place, ce qui a fait que les agents secrets, pendant toute la période qu'Elvis était là, étaient minces. Et donc, il ne voyait rien de spécial. En fait, c'est que cette photo-là, et il a été confirmé par la suite à Nicholson, que Elvis venait de mourir lorsque cette photo-là a été prise. Ça a été pris dans les heures qui ont suivi la mort d'Elvis. Donc, il débarquait d'un hélicoptère avec des agents de sécurité. Et lorsqu'il y a eu ça, il a dit « Ah, bon, c'est bien. Tant mieux. » Et lorsqu'il s'est plus intéressé, en fait, à cette histoire-là, il a essayé de retrouver l'agent de police qui avait déjà travaillé pour Elvis comme agent de sécurité. Le gars a dit, il a nié, en fait, lui avoir déjà présenté cette photo-là. Et en plus, Nicholson a quand même réussi à le convaincre de le rencontrer en personne, c'était au téléphone, il a donné l'adresse de sa maison et de son téléphone. Et lorsqu'il s'est rendu à la maison, elle était vide, le téléphone était hors service. Et il n'a jamais pu retracer l'agent. Disparu. Et on en a un autre également. On en a une dernière par rapport avec... non, pas une photo. Ben oui, on a une autre photo plus tard, mais bref, c'est un peu confus là-dedans. Mais ici, il faut noter, en fait, qu'Elvis avait contacté le président Nixon afin de lui proposer ses services d'agent honoraire de la CIA. C'est en 1974. Il a été honoré d'une plaque d'agent honoraire, d'agent secret honoraire par Richard Nixon lors d'une cérémonie. Son but était de retracer les agents de drogue et d'alcool hippie et des Black Panthers dans le milieu de la musique, lui qui était respecté par tout le monde. Du moins, c'est ce qu'il dit dans la lettre. Son but, était de faire ça, et il voulait également être un espion. Et il faut souligner aussi que lorsqu'on devient un espion, eh bien, il faut tuer sa vie publique, il faut disparaître d'une façon ou d'une autre, et généralement, ça passe par tout simplement faker sa mort. Mmh. Donc, c'est ce qu'Elvis aurait pu faire. Ouais, sauf que si le but c'était d'utiliser ses contacts dans le milieu du show business pour pouvoir démasquer. On va y revenir tout de suite dans deux petites secondes. Okay. Excuse-moi, je l'ai pas. Mais justement, là, on aborde l'agent Presley. Okay. Donc, on dit qu'Elvis était un admirateur des services secrets et ayant été militaire dans le cadre de son service en Allemagne, il avait déjà une bonne connaissance du milieu ainsi que des contacts. Il a reçu en 1974 donc sa badge d'agent secret du président Nixon et en 1982, il a reçu titre posthume. Une notification des services secrets, une notification de service rendu, une félicitation en fait à Elvis. Cette lettre soulignait que le King avait servi de couverture pour certains agents antidrogue entre 1972 et 1976. Et oui, et selon une dame qui se nomme Gail Hicks, on ne l'identifiera pas, pour pas qu'elle se fasse harceler par la radio sur les ondes de C'est Fou, là, ce serait trop. Trop. Elle s'est efforcée à lire des rapports du FBI concernant Elvis, donc elle a lu des centaines de rapports. Et la vie du King aurait pu se retrouver en danger à cause de son poste dans les services secrets. Selon elle et Monty Nicholson, qui est l'agent de police qu'on parlait tout à l'heure, il aurait été sous la menace de plusieurs gros noms du monde interlope qui se serait donc réfugié dans le programme de protection des témoins. Et bien là, on peut pas juste disparaître dans ce temps-là quand on s'appelle Elvis Presley. Il faut que ça soit quelque chose de gros. Parce comme que les Simpsons. Comme les Simpsons, oui, effectivement. Comme les Simpsons, c'est tu changes très de bon nom. Épisode, ça. Sauf que ça va bien, tu sais, les Simpsons n'étaient pas obligés de faker qu'ils étaient morts. Sauf qu'Elvis était tellement connu et reconnaissable partout qu'il n'y avait pas le choix donc de vraiment disparaître. Et maintenant, où est-ce qu'on l'a vu? Muhammad Ali était un ami proche d'Elvis Presley. Lorsque Muhammad s'entraînait, Elvis allait le rencontrer ils étaient souvent ensemble. Ouais, il l'appelait Mo. Oui, il l'appelait Mo tellement qu'il était bien ami, des bons amis. Et lorsque Muhammad était hospitalisé, il y aurait eu la visite d'un homme anonyme qui ressemblait beaucoup à Elvis. Et là, c'est une infirmière qui aurait contacté Gail Hicks pour lui dire. Elle a fait « Ok, ouais, mais j'ai pas de preuves, donc je peux pas en parler ». Mais un peu plus tard, lors de sa sortie d'hôpital, il s'est fait prendre, Muhammad Ali s'est fait prendre en photo avec Jesse Jackson, qui est un grand défenseur du droit des Noirs et tout aux États-Unis. Et il y avait deux autres hommes blancs avec eux. Un homme a été identifié comme étant Elvis. Et il y a eu des comparaisons avec les photos d'Elvis en vie et Elvis là. Et c'était vraiment là, il n'y a pas photo. Il y a photo. C'est pareil. Il y a photo. Hein? Ouais, c'est vraiment pareil. Ouais. À part peut-être la petite coupe de cheveux, Elvis avait comme des cheveux mal peigné, un peu comme moi, mais plus par en avant. Bref. Donc, ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit. J'essaie d'analyser tes cheveux pendant que tu parles. Ouais, tu fais bien, tu fais bien. Donc, ça a été identifié. Et ensuite, Mohamed Ali lui-même a dit que oui, c'était Elvis. Et que le beau-frère d'Elvis aussi a été... on a montré la photo. Il a reconnu le King sur la photo. Et ça, c'était dans les années 80. Et Elvis aurait été également vu à Kalamazoo, le lieu de résidence de Mohamed Ali, quelques temps plus tard. Donc, quand même... Et là, on parle justement des fois qu'on l'a vu. Plus sérieusement, d'autres personnes l'ont vu à l'intérieur du pays et ailleurs, dans de nombreux endroits. On commence avec la star du porno, Chrissy Canyon, donc une source très fiable, qui rapporte l'avoir vu... Elle rapporte l'avoir vu dans un bar de danseuse de Californie alors qu'elle y faisait carrière en tant qu'effeuilleuse. C'était à la fin des années 80. Effeuilleuse, c'est stripper, c'est ça? C'est stripper, oui, wow. Exactement. Donc, le King l'aurait félicité de son tatou qu'elle avait sur le derrière. Et elle l'a reconnu, elle a vraiment elle a regardé dans ses yeux, elle a vu que c'était Elvis. Donc, c'était très important pour elle qu'il revienne. Même elle voulait qu'il revienne et il a donné un peu d'argent. Et il n'est jamais revenu encore, mais elle espère toujours le rencontrer à nouveau. Également, il y a eu un couple de jeunes Américains qui faisaient de l'excursion en France qui auraient rencontré un vieux monsieur muni d'une guitare près d'une ferme datant du 16e siècle. L'homme aurait alors entrepris « Suspicious Mind » à la guitare. Donc, c'était une chanson du répertoire d'Elvis et ce qui a convaincu, en fait, que c'était bien la majesté du rock qui était présente. Et que seulement Elvis est capable de jouer. Oui, il y a juste Elvis qui est capable de chanter ça, c'est clair. Et on termine, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup, mettons, Ted Summers, un Suisse en visite au Colorado, aurait également rencontré Elvis en 2007. Il était à Aspen et il était sous le nom de Clint Reno. Et ça, c'était Elvis Presley sous son faux nom. C'est vrai que c'est pas très crédible comme nom. Ben, Clint Reno, je trouve ça très crédible. Est-ce que Elvis Presley est un nom crédible? Pas en tout. Bon, ben, Clint Reno, ça l'est pas plus. Et il y a aussi des centaines de gens sur les internets qui affirment avoir rencontré Elvis. C'est là des centaines de gens. Il y a un site qui s'appelle Elvis Sighting Log. Et là, t'as au-dessus de 500 personnes qui disent avoir rencontré Elvis. Comme on dit, si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai. Eh oui. Et bien aussi, donc, ben avant de terminer totalement, on va. Il y a une certaine entrevue qui a été accordée par Elvis après sa mort, et elle a été comparée avec d'autres entrevues qu'il avait accordées. Et là, je mets des parenthèses avant sa mort parce que c'est impossible qu'il soit mort. Il discute de sa vie post-mortem, de ses voyages, de sa vie loin du public. Il affirme avoir commencé à s'ennuyer de son public également après un an. Après un an seulement après sa mort, il commençait déjà à s'ennuyer. Et on peut aller donc entendre cet extrait d'une minute. On écoute ça tout de suite. People ask me all the time while I'm living. Naturally, I can't say. But it's a good place to hide. It actually started when I arrived in Hawaii. I made arrangements with a friend of mine to fly me out of the state. I mean, and there was an island that I had learned about a long time ago. And I guess I always knew that someday I'd probably have to use it. I really can't say that I didn't need to rest. Slowly, I started getting myself in shape. I didn't sing much. I needed to rest even more than I knew. But after about a year, I started missing the people and the entertaining. I mean, I've been entertaining people the better part of my life, and it's very hard to stop from doing something that you've been doing that long. You know, a lot of times people walk up to me and they say that they're concerned about people finding out. And then they think about it for a while, and they usually say that nobody believed them anyway. Et c'était Elvis. Oui, Elvis n'est pas mort. C'est la preuve. Donc, c'est une entrevue, en fait... Et il est en studio en ce moment avec nous. Bonjour. Oui, bonjour Elvis. C'est une entrevue, en fait, qu'il a été enregistré, c'était une conversation téléphonique qu'il avait avec une personne qu'on ne peut identifier malheureusement. Mais bref, il explique comment c'est la vie après la mort, c'est-à-dire après sa mort publique. Il dit qu'il s'est mis à s'ennuyer du public assez rapidement, seulement un an après. Il s'est mis à voyager, il est retourné en Allemagne. Et il dit plus loin dans cette entrevue-là, parce que c'est une entrevue qui dure au moins 4 minutes, et il dit, entre autres, avoir rencontré, lorsqu'il était en Allemagne, à Lisbonne, Lisbonne, c'est en Suisse ou en Allemagne? En tout cas, il était à Lisbonne, bref. Et il y a une serveuse qui l'a regardé comme faux. Portugal, Espagne. Ouais, ça se peut. C'est à côté de Lys Popir. Lys Popir, ouais, quelque chose comme ça. Bref, il a rencontré une serveuse qui l'a regardé Portugal. Comme il faut dans les yeux et a dit : je sais pas comment vous avez fait, je sais vraiment pas comment vous avez fait, mais merci, vous avez fait ma journée. Et elle est partie. Et il dit : elle m'avait reconnu. Et c'est vraiment donc vous pouvez trouver l'entrevue au complet. Il y a quelques entrevues en fait d'Elvis sur YouTube, puisque Gail X a également reçu un appel d'un homme disant s'appeler Elvis. C'était à 2-3 heures du matin. Il a enregistré le tout et dit comme par hasard, hein? Oui, mais il dit en fait on n'a pas l'entrevue au complet. Elle a commencé à enregistrer quand elle pouvait. Si je te coupe une autre fois, tu peux me dire hey, je parle. Ouais, est-ce que je parle là? C'est ça. Laisse-moi finir. Non, mais... ouais. Inside ici, continue. Ouais. Bref, elle a enregistré l'entrevue et Elvis, en fait, lui dit de faire... la prévient, bref, de faire attention aux gens, puisque les gens peuvent être très cruels. Et voilà. Et Elvis, c'est aussi qu'il disait dans l'entrevue qu'on a entendu qu'il s'était remis en forme et c'est pour ça qu'il n'était plus gros et qu'il était méconnaissable. Il disait également qu'il avait fait pousser une barbe dans cette entrevue-là. Donc, maintenant, si on cherche Elvis, c'est un gars barbu, grand et svelte. Et il aurait été vu. De gens, ça. Oui, et il aurait été vu également à l'inauguration de Barack Obama. Ah oui? Oui, et il y a même sur YouTube, il y a une vidéo où c'est qu'on compare les photos donc de lui avant et lui maintenant. Et c'est ça se tient. Le secret est que c'est lui, Barack c'est Obama. Lui. Non, c'est... Mais avec quel âge, là, au juste Elvis? Elvis aurait 75 ans. 75, OK. C'est quand même un vieillard aussi. Oui. Oui, et c'est pourquoi, justement, c'est un peu crédible. OK. Mais en fait, c'est pas un peu crédible, c'est tout à fait crédible. C'est vrai. Oui. T'as vraiment pris le verdict là, que c'est vrai, tout ça. C'est vrai, mais comme la mort de Paul McCartney. Écoutez, les gars, j'ai fait passer toutes les choses de cette session-ci, en fait, de toute la saison, c'est-à-dire de septembre à maintenant, comme étant des mythes, des légendes. Mais tout est vrai. C'est tout vrai. C'est tout vrai. En fait, je vous ai joué une blague en vous faisant croire que c'était... je vous ai joué un tour, en fait, en vous faisant croire que c'était des mythes, des légendes, que c'était peut-être pas vrai. Non, tout est vrai. Et on ouvre la porte. Patrice Lécuyer est en studio! Oh! Salut. Détecteur de mensonges. Ouais, non. Ben, tout est vrai. Tout est vrai, wow. Surtout qu'Elvis est vivant. Meuf la terre. Franchement, là, je pense qu'il n'y a pas de question à se poser. Là. Elvis est vraiment en vie et on pourrait le rencontrer n'importe où. L'affaire de l'île déserte, ça peut être plausible, malgré que je n'avais pas rien trouvé là-dessus lorsque j'ai fait mes recherches. C'est plus, mais en fait, la théorie que toutes les vedettes sont passées. Oui, ben, il pourrait être sur une île avec Linda. Hein, Linda Lemon. Non, mais Linda, la femme à Elvis Graton. Graton, ouais. Linda. Linda, fait qu'on va l'appeler Linda. Linda. Mais bref. On l'appelle Grippette. Ouais, ma belle-mère s'appelle Linda. Je la salue. Salut Linda. Salut Linda. Et bref, voilà, c'est ce que je voulais vous démontrer en fait. C'est qu'Elvis est toujours en vie. Il n'y a pas. On peut pas. On peut pas concevoir en fait qu'il soit mort. Elvis est toujours vivant. Il est des nôtres. C'est un agent de secret, un agent double de la CIA et de la DEA. Donc faites attention. Si jamais vous utilisez de la drogue, Elvis pourrait venir vous chercher. Ben, moi, j'avoue que je suis convaincu. J'y crois. Mm-hmm. Yes. Ben, ouais. Parfait. C'était mon but. Donc maintenant, propager la bonne nouvelle. Elvis est vivant. On le fait, là, présent. Spread the joy. Spread the joy. Tartiner la joie. Oui. Il est des nôtres. Il dit qu'il s'ennuie beaucoup de plus chanter, Elvis. C'est ça qui est vraiment dommage. Je trouve qu'il a dû être vraiment dur pour lui de plus pouvoir chanter. Ouais. Il chante Suspicious Mind sur le bord de Fermette. Puis il va au karaoké de la chasse-galerie de temps en temps. Oui. Ah oui. On le voit. Ah, moi, j'ai déjà vu là. S'il cherche les endroits tranquilles pour pas se faire connaître, on va l'inviter à l'émission. Pour pas être reconnu, ça, c'est sûr que c'est la bonne place. C'est ici, assez fou, on ne reconnaît pas personne. Donc, merci beaucoup, Simon. T'es super fin. Très belle série de chroniques. Ça m'a fait plaisir de faire cette chronique-là avec vous à tous les jours. Non, pas tous les jours, mais toutes les semaines. Tu faisais de quoi à tous les jours, mais pas avec moi. Ouais, je fais de quoi à tous les jours, mais bref, d'être avec vous une fois par semaine, c'était vraiment plaisant. C'était un divertissement intense pour moi de faire toutes ces recherches-là. Et j'espère qu'on va avoir la chance peut-être un jour de voir revivre Paul. Ok, je pensais dire de retravailler ensemble, ça aurait été tout cute pour finir, mais ouais. Ben, je trouvais que ça faisait un lien avec Paul is Dead. Ok, Paul tu veux mort, faire revivre Paul, Paul le is ressusciter. Okay. Tu parles de ta chronique. Dans, ouais, c'est ça, moi. Ben, peut-être pas de cette chronique-là en général, mais de faire revivre. Fait que ça n'a plus de sens, là, ça n'a pas peur. Non, ben, tu sais, Paul est mort, on pourrait le faire ressusciter. Ah. La fin de session, hein. Tu sais qu'on finit avec un dernier silence inconfortable, genre? Oui, il faut. OK. OK. OK. Donc, t'es-tu encore en train de travailler là-dessus? Toi, il me semble que ça fait des mois que je te vois gosser, puis je sais toujours pas ce que c'est. Ben là, c'est un vibromasseur, il me semble que c'est évident. Ben c'est parce que ça ressemble vraiment plus à un... Ah! Oh! Je pense que je vais recommencer. Kiwan et Mathieu, assemblage requis, l'émission du retour en pièces détachées du lundi au jeudi de 15 à 17 heures à C'est fou.